À la deuxième trompette, on vit la mer devenir sang. Et voyez, le sang a été répandu. La prophétie de l'Apocalypse. Salut à tous et bienvenue à l'écoute d'Apocalypse, l'émission d'actualité métal proposée par Horns Up et également diffusée sur Graphite Radio Associative que je remercie au passage. Et on va du coup tout de suite commencer par parler un peu musique puisque c'est le propos de l'émission et on va partir sur du Doom et du Doom d'excellente facture, du Doom qui regroupe des légendes absolues. Je parle évidemment de With The Dead, groupe super groupe Doom qui a émergé cette année donc des cendres entre guillemets de cathédrales. Puisqu'on retrouve au chant Lidorian, qui a donc été chanteur de cathédrale pendant plus de 20 ans. Et on retrouve également l'ancienne section rythmique de Electric Wizard, Mark Greening, le batteur, et Tim Backshaw à la basse. Donc autant vous dire que c'est voilà, les mecs ont quand même de l'expérience en la matière, donc c'est du Doom très, très élite, comme on dit. Et ben derrière, donc voilà, comme tout super groupe, soit c'est la grosse déception, soit c'est la réussite totale, et on tape dans la deuxième catégorie pour ce groupe-là. C'est excellent, vraiment, ce premier album, With The Dead, donc album éponyme, je vais y arriver, est vraiment très très bon. Ça, le son est à la fois gras, sale, lourd, enfin voilà, c'est vraiment un son bien puissant, bien doom, voilà, ça rigole pas quoi, ils sont pas allés chercher une production toute moderne, non, ils ont vraiment fait un truc vraiment cradingue, mais tout en gardant une grosse puissance et un gros volume. Le chant ressemble un petit peu à celui qu'il y avait sur le dernier cathédrale. Clairement, Lidorian n'a pas énormément changé sa façon de chanter par rapport à cathédrale, sauf que ça, le rendu est plus... Déjà, le son fait ça, le rendu est plus sombre. Et puis la voix est beaucoup plus à distance aussi que dans Cathédrale. Voilà, la déclamation, etc. est exactement pareil que sur Cathédrale, mais au niveau du mix, ils ont un peu modifié les curseurs, et du coup le rendu est plutôt différent. Donc voilà, une voix assez lointaine, perdue dans les fins fonds du mix. Un très gros travail des ambiances, vous allez pouvoir entendre au début de ce morceau, mais sur certains autres, il y a également le même type de procédé. Des dialogues, des petits samples qui viennent un peu rythmer l'album. Cathédrale faisait déjà ça, donc voilà, on retrouve un petit peu aussi ce genre de continuité. Et puis il y a un bon travail aussi sur les ambiances, avec des accalmies, des moments un peu plus vicieux, un peu moins juste lourd et puissant, un peu plus pernicieux comme on dit. Et puis il y a aussi des trucs géniaux comme le ralentissement à la fin du morceau que vous allez entendre là où on se sent de plus en plus écrasé, le tempo dégouline, c'est vraiment excellent. Enfin voilà, l'album est très très bon, il y a donc le morceau que je vous propose c'est Living With The Dead. Donc voilà, que du très bon cet album, recommandé à tous les fans de Doom, ça marchera forcément pour vous, ça collera forcément dans vos oreilles. Et puis voilà, donc c'est parti, c'est tout de suite, c'est dans Apocalypse, enjoy. We'll be right back. ce hardcore assez énervé, assez bizarre, un peu incernable, c'était Jack Dalton avec le morceau Inherit Repetition, extrait de leur premier album Past Swallows Love. Alors, qui sont Jack Dalton? C'est un groupe norvégien que j'ai découvert la semaine dernière en première partie de Shining. Et c'est vraiment, vraiment pas mal. J'ai pas pu écouter à fond l'album en entier, j'ai pas tout bêtement pas eu le temps, mais en concert, j'ai vraiment pris une grosse claque. Je m'attendais pas du tout à... J'allais clairement voir Shining, c'était le groupe qui m'intéressait. Et pourtant, Jack Dalton, c'était la bonne surprise, une excellente énergie sur scène, une très bonne communication avec le public, des mises en place vraiment carrées, ils sont très très... Voilà, là ce morceau-là, c'est peut-être pas le plus incroyable au niveau des rythmiques un peu biscornues, mais il y en a qui sont vraiment vraiment faciles, plus des usages de samples un petit peu à certains moments où il faut vraiment être très très en place pour que l'effet fonctionne bien. Sinon ça ne fonctionne pas. Donc voilà, vraiment des un professionnalisme déjà bien, bien marqué, même si c'est que leur premier album, mais type, ça doit pas être leur premier groupe ou ça doit faire un moment qu'ils se connaissent. Enfin, en tout cas voilà, un groupe très très pro déjà pour un premier album. Et le morceau que vous venez d'entendre, donc Inherit Repetition, c'est peut-être un des plus mélodiques, un des moins vraiment hardcore barrés de tout l'album. Il y a d'autres titres plus énervés et plus ça gueule vraiment tout le temps et c'est la bonne grosse guerre. Mais vraiment voilà, un groupe intéressant que je découvrirai bien plus en profondeur, comme on dit, parce que voilà, c'était vraiment très très très très bonne première partie. Donc première partie de Shining. Ensuite sur la même soirée il y a eu Caligula's Horse. Là j'ai un peu moins accroché, du coup j'ai pas pris de la place dans l'émission pour vous parler de quelque chose qui m'a un peu moins plu, un peu trop prog, un peu trop prog moderne, pas assez dans mes cordes, dans mon terrain de jeu habituel. Et puis évidemment il y avait Shining, dont je vous ai déjà parlé sur la dernière émission, je vous ai déjà présenté un morceau de leur dernier album, mais je vais le refaire parce que l'album est trop bon et parce que le concert était génial, peut-être un des meilleurs concerts de ma vie. Alors évidemment il y avait tout le contexte des attentats et etc. qui pesait un peu là-dessus. Mais du coup voilà, il y avait une espèce de folie qui venait derrière ça, de joie de pouvoir s'amuser un peu sans... Voilà, oublier un peu tous les soucis qui étaient liés à ça. Et vraiment c'était voilà, très très efficace. Mounkevi commence par jouer la Marseillaise au saxophone, ça, c'était assez grandiose. Et puis tout du long voilà, on sentait qu'il y avait voilà, une fougue assez unique et assez liée forcément aux tristes événements, mais voilà, c'était vraiment un concert excellent. En plus le fan club avait ramené des petites animations, des machins, donc voilà, un concert aux petits oignons, une setlist excellente. Voilà, je vais m'arrêter de parler en superlatif et vous passer tout de suite House of Worship, extrait donc de International Black Jazz Society, dernier album de Shining, qui est ce morceau sans doute un des plus fous de l'album, un truc un peu comme ils avaient fait à la Helter Skelter sur le black jazz premier du nom. Vraiment une espèce de truc free jazz assez incroyable et complètement barré. Donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est barré. Et je vous lance ça tout de suite au House of Worship des Shining. C'est parti, c'est tout de suite, c'est dans Apocalypse. Voilà, ça c'était de l'agression brutale, sans préavis et sans post-avis non plus, juste une petite minute d'agression directe et sans concession. Ça s'appelle Clusterfuck, le morceau que vous venez d'entendre c'est N, Lus, Og, Der, Er, Fucked, c'est évidemment étant donné qu'ils sont danois, j'ai un peu du mal avec leur petite langue, et c'est extrait de leur premier album Crazy Maker, c'est donc notre découverte de la semaine. C'est sorti le 13 novembre dernier chez Warg, petit label que j'aime bien, je découvre pas mal de trucs vraiment sympas. Ils sont spécialisés dans les choses hardcore, chaotiques, power violence, trucs vraiment bien vénères, un peu de sludge aussi. Mais donc voilà, c'est du power violence qui nous vient du Danemark. L'album dure, album EP, je sais pas trop, il y a 20 titres mais ça dure 14 minutes. Donc les titres font entre 20 secondes et 1 minute. Et voilà, c'est vraiment la pure branlée auditive en permanence quoi. On peut pas souffler de tout l'album en même temps, heureusement 14 minutes plus, je crois que ça serait assez indigeste. Le chant est assuré par une femme, donc voilà, c'est vraiment je sais pas d'où elle sort cette voix, mais complètement incroyable. Mais c'est assez génial, complètement excessif, mais moi j'aime bien ce genre de truc où voilà, on se pose pas de questions, je fais ce que je sais faire et bah je te gueule dans les oreilles tout ce que je peux. Le son est pas mal dégueu, faut le dire, mais ça rend bien quoi, c'est le truc vraiment, voilà, pas de prise de tête, on fait juste ce qui nous passe par la tête pour libérer de l'énergie pure, et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Après voilà, les titres de vraiment 20 secondes, des fois c'est un peu expéditif, moi, j'aime bien tout ce qui, voilà, le grind, le power violence, c'est des trucs où forcément on va pas faire des morceaux de 10 minutes, mais des choses comme Nails, des choses vraiment de power violence un peu plus abouti que ça, un peu plus, voilà, un peu moins blablabla, on te massacre la gueule, salut, au revoir, merci, c'est un peu plus dans mes cordes quand même si voilà, c'est toujours assez réjouissant de se taper un album comme ça où tu baisses la tête, tu l'agites tout du long et puis hop, c'est fini, t'es épuisé, tu vas te coucher. En concert, ça doit être pareil, un peu le genre de truc, le concert d'une demi-heure où ils ont joué 50 morceaux. Enfin voilà, un premier album tout à fait honnête dans le style power violence qui tape là où ça fait mal et on en demande pas beaucoup plus. Et puis tant qu'on est dans les trucs vraiment sales et vraiment vraiment difficiles à écouter, on va passer à un groupe que j'ai découvert grâce à l'ami Balin qui donnait sa chronique dithyrambique sur Horns Up, chronique du dernier Revenge, Behold Total Rejection. Et je ne connaissais pas du tout ce groupe. Alors effectivement, c'est dans la frange extrêmissime du Black Death Grind, du Metal Extrême. Vraiment les trucs où moi étant plus d'orientation et d'obédience, Doom Sludge, etc. Je suis jamais trop allé fouiller dans ces recoins sombres et morbides, mais de temps en temps, quand on me met en neuf sous les yeux, je vais voir quand même en quoi ça ressemble. Et donc Revenge, ça ressemble à du chaos non contrôlé. C'est vraiment du black, c'est vraiment un défouloir total en fait. Le son est affreux, vraiment, ça bubule, ça dégueule, ça suinte de partout, la voix est dégueulasse aussi. Le mec il fait des borborigmes mais incroyables. Il a vraiment une voix mais de dévié bouché quoi, c'est assez incroyable. Et c'est de la brutalité totale, permanente, ça blaste vraiment en tous les sens. C'est presque inaudible mais tellement volontairement que ça en devient génial. Le mec sait vraiment que voilà, ce qu'il fait c'est du blast sur une espèce de brouillon de guitare. Mais en même temps, avoir l'envie de faire ça et de gueuler toute sa rage, sa haine et toute sa noirceur dans une musique pareille, moi je trouve ça assez admirable. Et en me renseignant un peu sur le groupe que je ne connaissais pas, j'ai découvert qu'ils avaient fait un split avec Arcanine Faustus, qui est un groupe de metal extrême français qui, je ne sais pas du tout ce qu'ils sont devenus, mais j'aimais bien un moment. Je me suis pas renseigné depuis un moment sur leur cas. Et donc voilà, donc Revenge, l'album Behold Total Rejection, c'est leur cinquième, donc je vais essayer d'un peu voir ce qui se passe avant. Mais c'est vraiment là, du Black Death Grind extrême, ou je ne sais comment trop qualifier ça. Vraiment, pour les purs et durs, ceux qui aiment s'infliger des douleurs aux oreilles. Et puis voilà, donc je vous propose d'écouter ça, vu que cette présentation vous a sans doute mis l'eau à la bouche. Le morceau que je vous propose c'est Nihilist Militant Total Rejection, c'est parti, c'est tout de suite, c'est dans Apocalypse. Éloignez les enfants sensibles parce que c'est vraiment vraiment de la violence. Allez, on envoie. Et là encore, c'était un groupe dont je vous avais parlé dans la dernière émission, un peu comme Shining, mais cette fois c'est le rôle inversé. Shining, je vous avais parlé de l'album et je vous ai parlé du live. La dernière fois, je vous ai parlé d'un concert de Mammoth Storm, mais cette fois, je vais vous parler de leur dernier album en date, Forniot, qui est sorti à la fin, tout récemment, le 6 novembre, quelque chose comme ça, chez Napalm Records. Et le morceau que vous venez d'entendre, c'est le morceau éponyme. Donc Forniot, c'est du Mammoth Storm, pardon, c'est du Doomstoner comme vous avez pu l'entendre. Et donc voilà, vraiment en son très gros, une basse très ronde, une guitare bien pesante. Ils sont donc suédois, si je ne dis pas de bêtises. Et pourquoi je vous en reparle? Parce que du coup, voilà, j'ai pu écouter cet album et ce que je n'avais pas fait la fois dernière, j'avais exclusivement écouté leur démo EP. Et donc là voilà, l'album est vraiment très très bon, avec des très bons leads guitare, qui créent des ambiances, le chant assez granuleux. Enfin voilà, plein de très bonnes qualités. Moi je vous recommande clairement l'écoute de cet album, c'est très très bon en doom, c'est quelque chose de qui est très bon. Une des très bonnes choses qui est sortie cette année. Excellente réussite en tout cas pour un premier album, c'est déjà très très mature, avec des titres qui prennent vraiment le temps de se poser, voilà, c'est toujours des titres de 8, 9, 10, 13 minutes, voilà, on prend vraiment le temps de laisser couler les ambiances et brûler les pétards, si je puis me permettre, une allégorie de la sorte. C'est pas du tout une allégorie d'ailleurs, je m'embrouille complet. Mais bon voilà, Mammoth Storm, vraiment très très bon. Forniot, excellent premier album à recommander à tous les amateurs de Doom, ça, voilà, c'est une valeur déjà sûre. C'est excellent et chaudement recommandé. Et on va continuer avec un groupe qui va sortir un album très bientôt, en 2016, et qui a quand même une aura assez importante. C'est évidemment Obscura, groupe de Death Technic, qui sortira du coup son quatrième album Acroasis. Donc ça sortira en février, le 5 février 2016 chez Relapse Records. Et bon ben bah, voilà, Obscura c'est des teutons qui ont vraiment un niveau technique genre hors du commun, mais les mecs sont vraiment excellentissimes. La production de l'album en question sera signée VV, je ne sais pas pour quel prénom, Santura, il s'occupait de Triptychon, de Dark Fortress, donc voilà un mec qui sait y faire, donc on peut s'attendre à du très bon son. Et donc pour marquer un petit peu cette news, je vais vous passer le morceau Anticosmic Overload, extrait de l'album Cosmogenis, qui est leur deuxième album et qui celui qui les a sans doute le fait connaître aux yeux du grand public. Il y avait forcément des gens qui connaissaient déjà depuis le premier album. C'est vraiment sur celui-ci qu'ils ont explosé à l'international. Et ben là, voilà, vous allez voir Bass en délire, enfin, toutes les classiques de Obscura sont déjà là. Donc voilà, mangez vos partitions et puis inclinez-vous dans la toute puissance technique d'Obscura. C'est parti, rien d'autre à dire. Never leaves it wrong. From letters she will see to love. Et pour finir, c'était un morceau de Cult of Luna, c'était Synchronicity, extrait de l'album Vertical. Et pourquoi je vous parle de l'album Vertical? Parce que, très logiquement, Cult of Luna, pour les 10 ans de l'album Somewhere Along the Highway, va le jouer en intégralité au Roadburn. Possiblement sur une tournée derrière, on n'en sait pas trop, l'annonce est tombée il n'y a pas si longtemps. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle déjà pour ceux qui vont en Roadburn. Et puis s'ils partent en tournée, étant donné que le groupe était censé être en hiatus pour une durée indéterminée, et ben voilà, les voir remonter sur scène, etc., c'est toujours agréable. Et donc voilà, évidemment aucun lien direct avec l'album Vertical, mais je voulais quand même passer du Cult of Luna, et j'adore cet album, et ce morceau Synchronicity est complètement fou. Avec ce côté vraiment lancinant, ces répétitions interminables, cette construction vraiment progressive, il est très très très bon. Donc voilà, je vais pas m'étendre 100 ans là-dessus, puisque j'arrive déjà à la fin de l'émission. C'était en effet notre dernier morceau de la quinzaine. J'espère que toute cette petite sélection vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à dire... suggérer des écoutes, des découvertes, etc. Moi je suis complètement preneur de ce genre de petits conseils. Et puis, je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle édition. D'ici là, découvrez plein de bonnes choses, écoutez plein de bonne musique, allez voir des concerts, parce que putain, à cause de ces attentats de merde, il y a une chute de 80% des fréquentations aux concerts, et ça, c'est tellement triste, c'est les laisser gagner tous ces trous de balles. Donc voilà, allez vivez quoi, tout simplement vivez et écoutez de la musique. Voilà, sur ces belles paroles, clôturons cette émission, et on se retrouve dans 2 semaines. Salut !